a mis l'assimiloutin contre l'abominable Yeti des neiges. Au début de l'histoire, à l'intérieur. Alors, question orange. Quelle position requiert à la fois l'usage du genou gauche et de l'index droit ? Ouf ! Oh, décidément, je ne pensais pas que tu pourrais trouver la réponse à cette question. Mais où vas-tu chercher tout ça ? Ouf ! Oh oui, c'est évident. Oh, mais écoute, il est temps de passer à une petite pause pour regarder la météo. Voilà pour l'éphéméride, mais la météo, me direz-vous, eh ben, sachez que demain, on va pas réinventer l'eau chaude. Il va encore neiger, encore et encore, comme il neige depuis environ 6 semaines sur l'ensemble de la France et l'ensemble du pays. Vous pouvez voir sur cette carte, donc moitié nord de la neige. Et puis, on a fait un copier-coller, hein, puisque moitié nord, moitié sud, aussi de la neige, avec des températures entre moins 37 et moins 56 degrés. Donc n'oubliez pas de vous couvrir, épaisse couche de neige demain dans les rues de nos villes et de nos petits villages. Et n'oubliez pas ce numéro 067 72 450. 50 centimes d'euros l'appel qui renverse évidemment entièrement à Météo France. Si vous voyez des gens qui souffrent un peu dans la rue, cet appel peut sauver évidemment des vies. Et autre numéro, tout aussi important, le 57, si vous ne voyez personne dans votre rue, puisque ça c'est quand même inquiétant. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée à l'antenne de TF12. N'oubliez pas ce soir le clash Navarro contre Mimimati dans un épisode spécial de Joséphine Ange Gardien en tôle. Et puis n'oubliez pas surtout d'envoyer vos cassettes, bien évidemment à Vidéogag, hein, puisqu'il y a quand même 50 euros à gagner à chaque fois, au 36 57 boulevard de l'avenue Charles de Gaulle, 36 72 Paris. N'oubliez pas non plus demain, les informations avec notre ami Jean-Pascal. Oh, mais qui sera peut-il bien être encore ? Je déteste qu'on me dérange alors que l'animateur annonce les programmes de la soirée à la fin de la météo. Allô ? Allô ? Grosdier l'Asimiloutin ? Oui ? C'est grand-mère Gaëlle ! Hourra ! Bonjour, grand-mère ! Bonjour ! Est-ce que vous avez regardé la météo de TF1 ce soir ? Oui, nous étions justement en train de la regarder à l'instant. Il y a quelque chose qui tourne pas rond chez ce petit gars-là, Sébastien Follin. Vous l'avez pas trouvé drôle ? Mais non, il n'a jamais fait une bonne vanne à la télé. Il a jamais eu cette heure-là depuis 6 semaines au moins. Et ça correspond au temps qui neige. Au temps quoi ? Au temps qui neige ! C'est quand même pas bien compliqué de me comprendre ! Mais je n'ai pas fait mon service militaire, je suis beaucoup trop jeune, je n'y connais rien au temps, grand-mère. Les petits amis se chient dans la colle. Faut absolument aller voir ce Sébastien Follin pour lui tirer les verres du nez. On se retrouve à Cognac G dans une heure. Oh, une nouvelle mission. Hourra. En route, la 6000-outin. 37-56-57 Paris. Un peu plus tard, à Cognac G, à la porte du bureau de Sébastien Follin. Oui, entrez. Juste après, à l'intérieur. Bonjour, monsieur Follin. Ouf. Salut. Oh, des admirateurs. Tiens, petit garçon, pour toi, des bonbons. Un petit nonos pour un chien. Et puis, bah, pour vous, ma petite grand-mère... Des bons petits gâteaux mous, vous aimez bien ça. Et si vous voulez, tenez, regardez, j'en ai plein. Des cartes de France dédicacées par moi-même. Mais non, nous ne venons pas pour ça, Sébastien. Hein? Je comprends pas, vous ne venez pas pour prendre des photos dédicacées de moi, enfin, vous venez pour quoi alors? Eh bien, voilà, ça fait plus de 6 semaines à présent que vous annoncez de la neige, et il neige tous les jours. Ce n'est pas vraiment normal. Il est mignon, mais bien sûr que c'est normal. Quand TF1 annonce quelque chose, ça arrive. Ouf. Mais pourquoi n'annonceriez-vous pas un petit peu de soleil de temps en temps? Ah bah, non mais ça, c'est-à-dire que, enfin, Météo France, on va dire... C'est pas clair tout ça. Tu vas parler et dire ce que c'est, sinon je vais te remplir le cul avec tes petits gâteaux mous. Oh non, pitié, pas les gâteaux mous. Alors tu vas parler? J'y peux rien, c'est l'abominable Yeti des neiges qui m'oblige à faire ça. Mais comment? C'est tout simple, il m'a promis, j'ai un peu honte, c'est pas très beau à dire, mais il m'a promis une vidéo de lui en train de tomber à son mariage. Et cette vidéo, j'en ai besoin, des gens qui tombent, il y en a plus beaucoup en France, et j'en ai besoin pour mon émission de vidéo gag, mais ça évidemment, c'est seulement que si j'annonce de la neige, je suis obligé de le faire. Oh, excusez-moi monsieur Follin, on me dérange encore, mais qui cela peut-il bien être? Allô? Les petits gars, cette histoire est bien étrange! Grand Merguez? Il faut absolument creuser cette histoire! J'avais essayé de trouver des informations. Pendant ce temps-là, vous devriez aller voir l'abominable Yeti des neiges. L'abominable Yeti des neiges? Mais où pouvons-nous le trouver? Dans l'Himalaya. Un peu plus tard, dans l'Himalaya. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait froid ici, n'est-ce pas, mon ami la 6000-outin? Qu'avoue ce jeune homme et ce chien sur mes terres? Celui qui parle, c'est le Yeti. Ces gens ne sont certainement pas animés de bonnes intentions. Vite, déclenchons une avalanche pour qu'il soit enseveli. Bruit d'avalanche. Oh mon dieu, mais que se passe-t-il? Une avalanche, la 6000-outin! Nous allons périr! Oh! Bravo, mon ami la 6000-outin! Tu as trouvé un sèche-cheveux géant pour faire fondre la neige qui nous tombe! Et là, la neige fond. Arrêtez, arrêtez, faites pas fondre la neige. J'habite ici, moi. Alors dites-nous pourquoi vous voulez faire neiger sur tout le monde entier. Oh, ce serait trop long à vous expliquer. Oh, mais qui cela peut-il bien être? Grand-mère Gueuse? Ouf. Oh non, tu as raison, pas à 7 heures. Mais si, c'est moi à 7 heures. En fait, l'abominable homme des neiges voudrait bien partir en vacances, mais il ne peut survivre que dans un environnement froid et gelé. Ainsi, s'il neige partout, il pourra aller faire du ski au Costa Rica. Mais c'est donc la fin de l'histoire. Mais non, il faut d'abord convaincre l'abominable Yeti des neiges de ne pas commettre son forfait. Oh, abominable Yeti des neiges, s'il vous plaît, arrêtez de commettre votre forfait. Oh, bah faudra d'abord me convaincre. Ouf. Oh, bah d'accord, tu m'as convaincu. Hourra. Mais quel est ton nom, petit chien? Mon ami, la Similoutin. Mon ami, la Similoutin. Oh, moi je rentre, j'en ai marre.